Maintenant, tiens, on continue avec un segment qu'on a fait tout l'été, qu'on a introduit comme nouvelle chronique cet été, et je pense que tout le monde est tombé en amour avec. Oui, moi j'adore. Un peu comme le nouveau MacBook Air, tout le monde est en amour avec. Tout le monde. Tout le monde. Et certaines filles d'université. Oh! Voici les paroles des autres. Allez à la maison. Voici la chanson thème de la chronique du Club plein air UQTR. Vous êtes beau quand je vous dis quand sont les clap-clap d'Antoine, hein? Non. Non, c'est ça. Mais ça me fait rire. Oui, mais c'est beau, je trouve ça bien drôle. C'était la chanson thème de la chronique de Charles Antoine. Antoine Rioux. Rioux. C'est la chronique Trucs et Astuces du Club plein air UQTR ou UQTR, dépendant des gens. Your choice. Apostrophe. Ah, yeah, oui, your choice. Saucisse ou jambon ou bacon. Oui. Les trois, c'est un extra. Oui, c'est cher, mais ça vaut la peine d'entendre bonne mouche. Oui. Donc, c'est dans la chronique Les paroles des autres. Pour ceux qui n'ont pas suivi tout l'été à Assemblage Requis à la plage, notre émission estivale, ben, c'est la chronique où on passe une chanson thème ou un fond ou une intro de chronique d'une émission et ou chronique de l'univers Mathieu Plante. Voilà. C'est dans l'univers Mathieu Plante, c'est le bout important. Tout ce qui se rattache à moi, le noyau central de la pêche, comme ma taille de pêche. Oh! Donc, les paroles des autres, c'est toutes les semaines ou quand ça nous adonne à Assemblage Requis. Et on adore faire ça, c'est pas belle fin. Ouais. On prend les suggestions d'ailleurs pour les intros. Oui. Ça vous tente.